l'ai rencontré un soir au fond d'un café. Elle s'est approchée de moi et elle m'a demandé pourquoi j'étais là, ce que je cherchais ici-bas. J'vais plus de tes discours, je ne veux plus t'aimer. Non, je veux plus de toi, non, je veux plus de toi. Non, je ne passe plus de toi. Ta voix lancinante, l'appel des sirènes, des idées de melting pot, ton universalité. Pourquoi j'étais là, ce que je cherchais en toi. Dégage! Je veux plus de ton amour, je veux plus de tes discours. Je ne veux plus t'aimer, non je ne veux plus de toi. Non je ne veux plus de toi, non je ne veux plus de toi. J'ai bataillé, j'avais tout misé sur toi. À d'autres tu t'es donné. Alors dégage de là, car ma vie se fera sans toi. Dégage! Je veux plus ton amour, je veux plus de tes discours. Je ne veux plus t'aimer, prends je ne veux plus de toi. Prends je ne veux plus de toi, prends je ne veux plus de toi. Cherche le célibat, seul avec mes idées. Tu peux donc rentrer chez toi, je ne pourrais t'aimer. Alors je reste là, car l'avenir est en moi. Dégage! J'ai plus de ton amour, j'ai plus de tes discours. Je ne veux plus t'aimer, quand je ne veux plus de toi. Quand je ne veux plus de toi, quand je ne veux plus.